vraiment. Mais fais-tu toujours semblant au cinéma intime? Mais pour qui tu joues? Moi je suis jaloux. Tu leur dis je t'aime, ça me rend fou. Quand ils te prennent dans leurs bras, j'ai envie d'en rire, mais c'est plus fort que moi. Tu joues si bien la comédie que parfois j'oublie. Tu es bien trop belle pour moi tout seul. Tu es celle qu'on désire trop vite. Et je connais la suite. Un jour dans un film, un bel acteur volera ton cœur. Mais pour qui tu joues? Les stars, les divines, les femmes fatales, les androgynes, les Huppert, les Adjani. Pourquoi cette comédie? Tu me dis de ne pas avoir peur, d'oublier les autres, les spectateurs, qu'il n'y a que nous. Dans ce cinéma, je sais pas pourquoi, je ne te crois pas. Mais pour qui tu joues? Toutes ces héroïnes, comme un rêve dans ma réalité. J'aimerais bien tuer tous ces films où tu as l'air de vivre une autre vie sans moi. Je serre une ombre dans mes bras, comme au cinéma. Mais pour qui tu joues? Moi je suis jaloux. Tu leur dis je t'aime, ça me rend fou. Quand ils te prennent dans leurs bras, j'ai envie d'en rire, mais c'est plus fort.